La fête de la vigne à Dijon. Прослушайте текст. Правда ли, что виноградари несут на своих плечах ящики с вином? Dijon est la capitale de la Bourgogne, région bien connue pour ses vins. Au début du mois de septembre, il y a dans la ville une grande fête du vin. Plusieurs pays d'Europe envoient des chanteurs, des musiciens, des danseurs pour prendre part à un grand concours où le meilleur gagne le collier d'or. Il y a aussi des réceptions, des dégustations de vin. Le dimanche matin a lieu la messe des vignerons avec le rite de l'offrande du vin. Un petit tonneau de vin est apporté jusqu'à l'autel sur les épaules de vignerons en costume et de danseurs étrangers. Des grappes de raisin sont distribuées aux spectateurs. La fête se termine le soir par une bataille de confettis et le grand bal de la vigne. Finalement, il y a la remise des prix pour le meilleur spectacle présenté et le meilleur vin fait dans la région.